L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui est le dimanche après la Théophanie, la fête du baptême du Christ que nous avons célébrée le 6 janvier. La Théophanie, terme qui signifie en grec la manifestation de Dieu, a été la première occasion quand la Sainte Trinité s'est manifestée aux hommes. La voix de Dieu le Père a révélé notre Sauveur en tant que son Fils bien-aimé qui a toute sa faveur, et Saint Jean-Baptiste l'a reconnu comme le Messie, le Christ. Par son baptême, notre Seigneur Jésus-Christ a béni les eaux du Jourdain. À travers ses prêtres, il bénit aussi chaque année de nombreuses autres rivières du monde entier. Depuis 4 ans, la Seine est aussi bénite, chaque année au mois de janvier, par un office chrétien orthodoxe. Après son baptême, le Christ a jeûné durant 40 jours dans le désert de Judée, en se préparant ainsi pour le commencement de sa divine mission. Ce jeûne est à l'origine du carême chrétien, dont le nom provient de sa durée de 40 jours. À la fin de cette période de jeûne, le Christ a vaincu le diable qui a essayé de le tenter 3 fois par la gourmandise, l'orgueil et le désir du pouvoir. Ensuite, selon l'évangile qui a été lu aujourd'hui, sachant que la mission préparatoire de Saint Jean-Baptiste est finie, car il a été arrêté par le roi Hérode, le Sauveur est rentré en Galilée pour commencer à prêcher par les mêmes paroles qui ont constitué le message du Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » En vérité, tout chemin vers Dieu doit commencer par une pénitence sincère, comme a montré aussi le précurseur du Christ en pratiquant le baptême de la pénitence. Sur la signification de la fête de la Théophanie, nous nous sommes entretenus avec le Père Noël Tanazac, recteur de la paroisse orthodoxe francophone Saint-Geneviève-Saint-Martin à Paris. Théophanie veut dire en grec manifestation de Dieu. Bon, qu'est-ce que c'est réellement? Le Christ a une vie effacée pendant presque 30 ans. Et puis un peu avant 30 ans, il est parti de la Galilée, il est allé trouver Jean-Baptiste qui était en Judée, qui baptisait au bord du Jourdain, dans le Jourdain, et qui avait tout un groupe de disciples autour de lui. Et il est venu voir Jean-Baptiste et il lui dit « Baptise-moi ». Jean-Baptiste savait par le Saint-Esprit que cet homme qui était devant lui, c'était le Messie, c'était le Fils de Dieu. Jean-Baptiste lui dit, mais non, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et le Christ a dit, laisse faire maintenant ce qui convient, c'est-à-dire c'est conforme aux pensées de la Trinité, aux pensées du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laisse faire maintenant. Donc, Jean-Baptiste accepte de baptiser, mais selon son baptême à lui, c'est-à-dire baptiser avec de l'eau. Donc, le Christ descend, Jean-Baptiste verse l'eau sur la tête, et au moment où le Christ remonte, les cieux s'ouvrent et c'est la plus importante révélation de Dieu qui soit donnée à l'homme parce que c'est une révélation trinitaire puisqu'on entend la voix paternelle qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » et on voit l'esprit sous une forme symbolique, sous la forme du colombe qui descend sur le Christ. C'est-à-dire, c'est le moment où Jésus est révélé comme fils de Dieu et comme Messie, juste avant de commencer sa vie publique, c'est-à-dire avant d'accomplir le salut du monde réellement, avant de prêcher et de mourir et ressusciter. Non, c'est une fête tout à fait capitale. Et on la célèbre dans le temps de Noël parce que c'est une théophanie, comme Noël est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Occident qui a beaucoup insisté sur la nativité, la fête de Noël et les fêtes connexes, c'est l'adoration des mages, qui en Occident est vénéré et célébré le 6 janvier. Puis il y a aussi plusieurs autres petites fêtes, comme la circoncision, la fuite en Égypte, etc. Bon, l'Occident a mis un peu toute son énergie à fêter tout ce qui concerne la petite enfance du Christ, la nativité, et n'a pas vu l'aspect capital de cette fête qui était bien mis en évidence en Orient, puisque l'Orient, le 25 décembre, fête en même temps la naissance du Christ et l'adoration des mages, et le 6 janvier qui est l'ancien solstice, c'était le solstice dans le vieux calendrier égyptien, qui est le calendrier qui date du 3e millénaire, avant Jésus-Christ, Et ce jour-là, l'Orient célèbre avec faste, avec somptuosité, ce baptême du Seigneur, et qui est aussi la grande révélation de la Divine Trinité. Alors, cette fête existe en Occident, mais d'une façon un peu cachée. Elle est célébrée à l'octave de ce qu'on appelle l'Épiphanie occidentale. L'Épiphanie occidentale, c'est la fête de l'adoration des mages, et donc, le 13 janvier, 8 jours après, on fête le baptême du Christ. Mais ça passe quasiment inaperçu. L'aspect théologique de la fête n'est quasiment pas vu. Et là, on peut dire que l'Orient et l'Occident ont certainement à s'apporter mutuellement quelque chose. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance, c'est-à-dire que, au fond, on lavait le corps pour signifier qu'on voulait laver l'âme. C'est une chose à caractère symbolique. Mais le baptême chrétien sera tout à fait autre chose. Le baptême chrétien, c'est on va être plongé dans les eaux pour mourir avec le Christ et ressusciter avec lui. C'est mourir au péché pour vivre à la vie divine. C'est un acte sacré d'une extrême importance. Alors, pourquoi est-ce que Jésus vient se faire baptiser? Mais Jésus n'a pas besoin, lui, d'être lavé. Il est un homme parfaitement pur. Il est le seul homme sans péché, le Christ. Mais en acceptant d'être plongé dans les eaux, au fond, il commence déjà le salut du monde, c'est-à-dire que les eaux symbolisent le cosmos, l'élément primordial. Quand on dit au début de la Bible, l'Esprit planait sur les eaux. C'est ce qui va devenir toute la création, les eaux, c'est l'élément primordial. En descendant dans les eaux, le Christ purifie les eaux. Et une chasse de ces eaux primordiales, les démons qui ont pu entisser toute la création, comme disent les pères d'Église. Donc au fond, on peut dire, c'est le premier acte du salut. Quand le Christ descend dans les eaux, c'est la fin de la magie. Et c'est très important de dire, car tous les peuples vivaient de façon païenne et pratiquaient la magie. C'est la fin de la magie. Au fond, c'est la première défaite du démon. Le Christ commence par rendre pures les eaux primordiales. Et après avoir accompli cette purification du cosmos, il va purifier, sauver l'homme qui porte en lui le cosmos, mais l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On peut dire que c'est le début du salut. Il y a la théophanie qui purifie et libère le cosmos, et il y aura Vendredi Saint et Pâques qui sauve l'homme et qui permettent à l'homme d'amener le cosmos à la transfiguration parce que lui-même accepte d'être transfiguré par l'Esprit Saint. Propre à l'Église orthodoxe, la bénédiction des grandes eaux bénites. Voilà, oui, ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. L'Orient a très très bien conservé cette pratique qui, semble-t-il, d'après les historiens, était une pratique universelle, puisqu'on a quand même des témoignages historiques en Occident. L'Église orthodoxe a conservait cette belle pratique de faire la bénédiction solennelle des eaux. Alors, on bénit solennellement les eaux dans les églises, c'est-à-dire qu'on remplit les baptistères, on les bénit solennellement, et le point culminant, lorsque l'évêque ou le prêtre prend la croix qui est sur l'autel, il la plonge dans les eaux, et on chante à chaque fois le trompère de la fête pendant ton baptême dans le Jourdain au Christ, etc. Donc ça, c'est une chose très très belle. Mais en Orient, on va plus loin, on va bénir la mer, on va bénir les fleuves, et lorsqu'on est dans un pays très froid, on casse la glace, on bénit les eaux, et je crois que, peut-être vous le savez beaucoup mieux que moi, que les fidèles viennent se jeter dans l'eau. Ils n'attrapent jamais de maladie, ils ne sont jamais malades, alors que l'eau est à température zéro. Oui, parce que c'est l'évêque ou le prêtre qui jette la croix dans le fleuve ou dans la mer, et des jeunes courageux sautent, nager et apporter la croix. Voilà. Et celui qui la porte, il aura une bénédiction spéciale pour toute l'année. Et il est intéressant de mentionner qu'on a un certain nombre de témoignages en Orient, mais aussi en Occident, de témoignages historiques de baptistères qui étaient secs, qui étaient sans eau, et qui se sont remplis d'eau miraculeusement au moment de la théophanie. On a des témoignages formels. Alors, je voulais aussi dire une chose, car j'ai parlé tout à l'heure du parallélisme entre théophanie et Pâques. Je veux être encore plus précis. Lorsque le Christ est descendu grâce à sa mort humaine dans les enfers, c'est-à-dire lorsque son âme unie à sa divinité est descendue dans les enfers, les textes liturgiques disent une chose très théologique. Les démons ont cru prendre un homme, ils sont tombés sur un dieu, ils se sont cassés les dents. Et le Christ a fait sortir les âmes emprisonnées, les a libérées. Eh bien, il y a un parallélisme avec la théophanie, ou plutôt théophanie, on peut faire le parallèle avec Pâques. Au fond, quand le Christ, homme, descend dans l'eau, on peut dire, les démons ont cru engloutir un homme et ils tombent sur un dieu. Et ce Dieu chasse les démons de l'eau. Voilà, c'est un parallélisme important. D'ailleurs, dans l'icône, comme à Noël, on voit que la grotte est toute noire, c'est la noirceur du péché, c'est la nuit de la chute. Les eaux dans lesquelles le Christ est plongé, dans les icônes de la théophanie, sont souvent très très noires. Avant d'y être plongé, c'est tout de même une image de la chute, une image de l'enfer. Et c'est lui qui vient éclairer, renouveler, purifier cette eau. Au fond, le Christ commence son travail de recréation de l'œuvre divine. De ce geste du Christ de se faire immerger dans les eaux du Jourdain, car baptizo en grec ça veut dire immerger. Immerger. Et ce geste liturgique a été très bien conservé dans l'Église orthodoxe jusqu'aujourd'hui. Absolument, puisque depuis toujours, depuis les origines, depuis 2000 ans, l'Église orthodoxe a conservé l'usage de la triple immersion, bon, qui est un usage relativement facile quand il s'agit de bébés ou de petits-enfants, qui est un peu plus compliqué quand il s'agit d'adultes. Mais autrefois, on avait des grands baptistères, c'était des piscines baptismales. Et hélas, l'Occident a perdu cet usage, on va dire probablement depuis un millier d'années, un peu comme l'usage très important de donner la communion sur les deux espèces vers le 9e siècle. Mais actuellement, c'est vrai que c'est un simple ondoiement et ça n'a pas la même puissance. Il est difficile d'imaginer, quand on voit un ondoiement, qu'au fond ça symbolise la mort et la résurrection, parce qu'on n'est pas immergé. Et si, vous avez raison, c'est très très important. C'est certainement une des plus belles choses spirituelles que l'orthodoxie apporte au monde entier. Et en conclusion, on peut dire que l'importance théologique la plus grande de cette fête de la Théophanie, c'est quand même la première révélation de la Sainte Trinité aux hommes. Voilà, ah oui, ça c'est vraiment très important. Et puis, parfois, dans l'Église orthodoxe, qui a aussi des décadences, elle a aussi ses propres misères, hein, comme, on va dire comme toutes les églises, comme l'Église en général, parfois c'est un peu occulté. La fête de la Théophanie est la grande révélation trinitaire, réellement, puisqu'on a le Fils qui est sous nos yeux, l'Esprit sous forme de colombe et la voix du Père. Alors, donc, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça se fait en public. Il y a Jean-Baptiste est là, il y a les disciples et il y a du peuple. C'est quand même extraordinaire. Alors, dans l'Église orthodoxe, on a pris l'habitude de considérer que Pentecôte est une fête trinitaire. Et même dans l'Église russe, on va un peu plus loin. On met l'icône de la Divine Trinité de Roublev sur le pupitre, et on reporte la descente du Saint-Esprit au lundi. Je pense que c'est un peu excessif. La Pentecôte est une fête trinitaire, mais pas dans le même sens que la Théophanie. C'est-à-dire que, à la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont réellement compris dans leur être intérieur, dans leur cœur, dans la profondeur de leur cœur, tout l'enseignement que le Christ avait donné et toutes les manifestations dont ils ont été témoins. C'est-à-dire que ce jour-là, ils ont vraiment intégré à leur être les hypostases du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'unique nature divine. Voilà, on va dire que c'est au plan expérimental, expérientiel. Mais la vraie révélation trinitaire, elle est le jour de la Théophanie. On ne devrait pas l'oublier. Chers auditeurs, le 3 janvier, nous avons fêté Sainte Geneviève, la patronne spirituelle de la ville de Paris. Mais sa fête continue à l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui se trouve à côté du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, où sont abrités le tombeau en pierre et une partie des reliques de la Sainte. Trois paroisses orthodoxes de Paris ont choisi Sainte Geneviève pour être leur patronne. La paroisse francophone russe Notre-Dame-Joie des Affligés et Sainte Geneviève, la paroisse roumaine Sainte-Parasève, Sainte-Geneviève, et la paroisse francophone Sainte-Geneviève-Saint-Martin. Des prêtres et des fidèles de toutes ces trois paroisses se trouvent maintenant dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, où, en présence des membres de la paroisse catholique de cette église, un office orthodoxe va commencer à l'heure où cette émission va toucher à sa fin. Ainsi, comme chaque année, la Sainte Patronne de Paris rassemble autour de son tombeau des chrétiens catholiques orthodoxes pour prier ensemble devant ses reliques. Ce charisme de Sainte Geneviève de rapprocher dans la prière les chrétiens d'Orient et d'Occident sera souligné par le Père Noël Tanazak. Je lui ai demandé de nous dire quelle est la signification de l'icône qui se trouve à l'église Saint-Étienne-du-Mont, où Sainte Geneviève est représentée à côté de Saint Siméon le Stylite. Sainte Geneviève de Paris a vécu pratiquement pendant tout le 5e siècle. Elle est née au ciel au début du 6e siècle. À cette époque, malgré les grandes invasions, il y a énormément de rapports entre l'Orient et l'Occident. Il y a énormément de marchands syriens qui viennent en Occident. On a beaucoup d'évêques grecs ou syriens sur les trônes des grandes villes de Gaule. Hein. Il faut bien voir que ce monde n'est pas un monde clos, c'est pas un monde fermé. Eh bien, il se passe une chose très très belle dans la vie de Sainte-Geneviève, c'est que des marchands syriens qui connaissaient Saint-Siméon le Stylite, alors Saint-Siméon le Stylite, il vit au sommet d'une colonne à côté d'Antioche pendant à peu près une quarantaine d'années, c'est quelqu'un tout à fait extraordinaire, c'est un des plus grands ascètes de l'histoire de l'Église, et Saint-Siméon le Stylite a vu dans sa prière la lumière de cette femme. Il dit aux marchands qui vont en Gaule, saluez Geneviève de ma part et demandez-lui de prier pour moi. Voilà, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que ça donne la mesure de la sainteté de Geneviève. Saint Siméon le Stylite, qui est né au ciel en 459, c'est un personnage incroyable, un des plus grands saints, des plus grands ascètes de l'Église universelle. Eh bien voilà, cet homme, il a vu dans la prière la sainteté de Geneviève. Et il fait dire qu'elle prie pour moi. Donc, ça donne la mesure de la sainteté de cette femme. Voilà pourquoi on la représente dans les icônes contemporaines à côté de Siméon le Stylite. C'est un beau témoignage de la catholicité de l'Église à cette époque. L'Église est une. Il n'y a pas eu le schisme de 1054. C'est l'Église catholique, orthodoxe, universelle. Et il y a des échanges entre toutes les parties de l'Église. L'Orient et l'Occident vivent en symbiose, c'est très important de le dire. Et Geneviève de Paris est autant vénérée par l'Église catholique romaine que par l'Église orthodoxe. Elle est vraiment un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Et je me permets d'ajouter une chose, c'est que lorsque les Russes seront chassés de leur pays par les bolcheviks, par la révolution communiste, beaucoup de Russes vont venir à Paris. Et plusieurs fois, Sainte Geneviève s'est manifestée à des Russes orthodoxes, même parfois de façon impromptue. Par exemple, un couple russe dans le métro, elle s'est manifestée à eux et elle leur a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne me priez pas? Je suis la patronne de la ville. » Donc, au fond, on peut dire, elle s'est occupée du peuple orthodoxe qui trouvait refuge à Paris, parce qu'elle est une sainte orthodoxe. Et elle a dit « Mais vous pouvez me prier. » Et alors, il y a maintenant une plaque à côté de son tombeau, à Saint-Étienne-du-Mont, qui est une plaque d'action de grâce des orthodoxes russes. Père Noël, qu'est-ce que s'est passé avec les reliques de Sainte Geneviève? Je rappelle un peu, bon, la fin de sa vie. Elle a achevé sa vie très très chrétiennement dans la sainteté. Alors pendant très longtemps, on a cru qu'elle était née au ciel en 512. C'était la date officielle, puisque Clovis est né au ciel en 511. Et puis les historiens, depuis à peu près une vingtaine d'années, se sont rendus compte que la date n'était probablement pas bonne, et probablement la date de son dies natalis, naissance au ciel, comme on disait dans l'Église antique, est 502. Mais un mot sur les reliques. Alors, elle a été enterrée dans la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, qui avait été construite par Clovis et Clotilde, et qui se trouvait juste à côté du Forum romain. Le Forum romain, qui était en partie détruit, occupait la rue Soufflot actuelle et la place du Panthéon. Et derrière, il y avait un cimetière chrétien. Et Clovis et Clotilde avaient fait construire, en union de prière avec Sainte-Geneviève, une belle basilique Saint-Pierre et Saint-Paul. La basilique n'était pas achevée quand elle est morte, mais elle a été enterrée là. Ensuite, Clovis sera enterré là. Alors, pendant très très longtemps, pendant pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, le corps de Sainte-Geneviève était considéré comme l'une des reliques les plus importantes de la Gaule et de la France. Et quand il y avait des calamités, on portait la châsse en procession pour conjurer les maladies, les invasions, etc. Donc c'était une des choses sacrées les plus précieuses de la Gaule et de la France. Mais le peuple de Paris, notamment les hommes, ont été très injustes vis-à-vis de Sainte-Geneviève. Elle était souvent calomniée, mais beaucoup d'ingratitude. Au moment de la Révolution française, en 1793, quand il y a eu les grandes persécutions anti-chrétiennes, la châsse a été fondue. parce qu'elle était en métal précieux, on a volé les bijoux, on a volé l'or, l'argent, etc. Et les reliques de Sainte-Geneviève ont été brûlées en place de grève, c'est-à-dire sur la place de l'Hôtel de Ville, et jetées dans la Seine. Et on peut dire que c'est une ingratitude absolue, parce que Sainte-Geneviève, pendant toute cette époque, entre le moment de sa mort et le XVIIIe siècle, n'a pas cessé de veiller sur la France. C'est elle qui a guéri les gens qui avaient été atteints par le mal des ardents, ces mâles qui provenaient de l'ergot de sexe, une maladie terrible. Ça doit se situer à peu près au XIIIe siècle. Elle a constamment protégé la ville de Paris. Le peuple parisien ingrat a brûlé ses reliques. Donc il ne restait pratiquement rien. Alors après la Révolution, on a retrouvé le dessous de son premier sarcophage, c'est-à-dire la pierre sur laquelle son corps a vraiment reposé. C'est ce qui est vénéré actuellement dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, et on a quelques reliques, c'est des reliques qui avaient été prélevées avant 1793. Il y a une toute petite relique qui est à côté de la châsse, et une relique plus importante qui est au trésor de la cathédrale de Paris, qu'on amène tous les ans pendant la fête de Sainte-Geneviève, et qui est une partie de son crâne. Pourquoi ? Parce que c'est une relique qui avait été donnée à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui était un lieu où évidemment on vénérait beaucoup Sainte-Geneviève, et après la Révolution, je crois bien que c'est sous la monarchie de Juillet, ou sous la Restauration, cette relique a été donnée par les habitants de Séquigny, Sainte-Geneviève-des-Bois, à l'église de Paris. Donc on a très très peu de reliques. Alléluia. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors et la chorale Saint-Jean d'Amassène de Paris. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique Podcast Orthodoxe du site internet orthodoxie.com.